La satire et le drame, par Bénédicte Gallet. Chapitre 1er. Un vieillard d'une soixantaine d'années, grand, maigre, à l'œil vif, au trait effronté, à la lèvre fine et intelligente, vêtu d'un juste corps de drap noir et d'un petit manteau de même étoffe, parcourait Hyde Park, un jour d'avril 1664, s'arrêtant tantôt sous l'ombrage d'une épaisse charmille, tantôt devant les ruines d'un vieux prieuré, situé à l'une des extrémités du jardin et qui en terminait poétiquement la perspective. Tout à coup, l'attention du promeneur fut attirée par un bruit de paroles partant d'une allée contiguë à celle où il se trouvait. « Oh, Georges !» disait une voix qu'il était aisé de reconnaître pour celle d'une femme. « N'est-ce pas infâme de payer tant de soins, d'affection, de générosité, partant d'ingratitude et d'avilissement ? Ne pouvoir goûter de plaisir sans remords, de bonheur qui ne soit empoisonné par la crainte, trembler sans cesse devant Dieu, devant les hommes, devant moi-même, voilà ma vie. Monsieur le Duc, votre amour m'a jeté dans l'abîme. Vous m'avez pour jamais perdu. » Ici la voix s'éteignit, au grand regret du promeneur. Il ne cessa toutefois d'écouter que lorsqu'il aperçut, sortant de derrière un arbre, à peu de distance, un jeune homme qui, vraisemblablement, avait été l'un des acteurs de ces mystérieux entretiens. Son regard plein de feu et d'audace, sa figure empreinte de cette distinction fière, de ce sentiment intime de satisfaction que donne une brillante qualité physique, une condition sociale élevée, la certitude de plaire, l'habitude du succès, sa longue chevelure luisante et bouclée, son pourpoint de velours noir tailladé en satin écarlate, et remarquable par cette coupe élégante, dont le pinceau d'Antoine Vandyck a conservé les traditions, sa cravate garnie de dentelle, son chapeau surmonté d'une plume blanche, attachée avec une agrafe en or. Enfin, les joyaux qui pendaient à ses oreilles, tout en lui décelait un de ces fat seigneurs de la restauration anglaise qui n'aspirèrent qu'à la supériorité du libertinage et au génie de la séduction. Ce gentilhomme n'était autre, en effet, que le duc de Buckingham, dont Charles II disait « C'est le plus mauvais sujet de mon royaume », et auquel le spirituel courtisan répondait « Oui, sire, car votre majesté n'est pas un sujet. » « Bonjour, mon vieux poète, » dit Buckingham en frappant sur l'épaule du vieillard. « Que fais-tu là ? S'il faut parler franchement, milord, je vous écoutais. Et tu as entendu quelques mots seulement. Oublie-les. C'est un mystère qu'il ne convient pas de laisser pénétrer. Il s'agit pour le moment d'autre chose. Charles II veut une satire pour amuser la duchesse de Cleveland, que le tête-à-tête attriste et qui commence à trouver le teint du roi un peu basané. Vraiment ? Et contre qui cette satire, milord ? Sois tranquille, Waller, le sujet prête. Contre un homme qui a feint toute sa vie des sentiments qu'il n'avait pas, qui regarde la probité comme une sottise, qui s'enivre comme un Écossais, qui ment comme un prince, et vend sa plume à défaut de son âme dont Satan n'a pas voulu. Et cet homme ? Ce bandit, cet ivrogne, ce menteur, cet impur poète, c'est toi. Pardon, monsieur le duc, mais au portrait que vous venez de tracer, j'eusse parié que c'était un autre. Et qui donc, je vous prie, vous ? Tu aurais pu parier avec plus de raison qu'il est à Tyburn une potence pour les insolents qu'il me plaît d'y faire attacher. C'est vrai, monseigneur, mais si vous pouvez pendre, vous savez encore mieux pardonner. Bon rien, dit le duc, imbécile, pensa le poète. Tout en causant de la sorte, Waller et Buckingham étaient sortis de Hyde Park et venaient d'entrer dans l'auberge de la Couronne. Cette taverne qui obtint, à la fin du XVIIe siècle, la célébrité dont celle de la sirène avait joui sous Élisabeth, était alors le rendez-vous d'une noblesse turbulente et dépravée, pour laquelle la fortune avait été une leçon perdue et qui n'avait rien appris de l'exil. Charles II lui-même, qui ne se souvenait plus du chêne de Woodstock, venait souvent en compagnie de ses maîtresses, s'y soustraire aux obligations de la grandeur et au pesant fardeau de la dignité. Quoi qu'il en soit, le roi, occupé ce jour-là d'un grand bal masqué qui devait avoir lieu le lendemain, n'avait pas quitté le palais de Saint-James, et la cour n'était représentée à la taverne que par Rochester, gentilhomme poète, moins célèbre par ses talents littéraires que par ses débauches, et par le comte de Shrewsbury, le seul homme peut-être qui, à ces époques de corruption et de frivolité, eût conservé des mœurs pures et la sévérité de la vertu. Comment gouvernons-nous nos plaisirs, Milord ? Demanda le duc en s'asseyant. Quant à toi, Shrewsbury, tu n'as pas cessé d'être le caton de nos fêtes. Nos joies profanes effraient ton austérité. Tu te piques toujours de fidélité conjugale, comme toi d'immoralité. Un mari si délicat ne peut manquer d'avoir une épouse fidèle. En douterais-tu, Buckingham ? Dieu m'en garde. Et toi, mon vieux poète, reprit le duc en se tournant du côté de Waller, qui s'était attablé devant un guéridon et vidait silencieusement une pinte de porter. As-tu rencontré dans les salons de Londres une nouvelle Phyllis, une autre Dorothée Sidney ? Non, Milord. Mes bonnes fortunes se sont envolées avec ma jeunesse, et le nom de mes maîtresses ne se trouve plus que dans mes vers. Mais c'est à vous, monsieur le duc, à nous faire vos confessions amoureuses. La galanterie, dans votre famille, est héréditaire comme la beauté. Silence, éternel courtisan, interrompit Shrewsbury. Ne flatte pas des défauts qui n'aiment que trop déjà l'éclat et la louange. Buckingham est un fanfaron de vice. Trêve à tes dédains, Shrewsbury, répliqua le duc avec ironie. Ne me force pas des aveux imprudents. Nous sommes réciproquement intéressés à respecter le mystère de nos amours. Plaisante réserve. As-tu craint jamais d'afficher les grandes dames que tu as séduites, sans compter celles que tu n'as pas obtenues ? Tu me pousses à bout, s'écria Buckingham en jetant sur le comte un regard irrité. Que dirais-tu si... Il n'acheva pas, puis, se penchant vers Rochester et Waller, il prononça quelques mots à voix basse. Shrewsbury devint pâle. Messieurs, ajouta Buckingham en se tournant vers les deux indiscrets confidents qu'il avait choisis, le secret que je vous ai confié ne vous appartient pas. C'est vous dire de l'oublier. En parlant ainsi, le favori de Charles II quitta la taverne ainsi que Rochester. Waller resta seul avec le comte. Une expression de causticité maligne errait sur les lèvres du vieux poète. Waller, s'écria Shrewsbury d'une voix altérée, tu peux me délivrer d'un affreux doute. Que vient de te dire Buckingham ? Par Saint-Georges, vous ne le saurez pas, Milord, car je ne veux pas me brouiller avec les puissances. Le duc de Buckingham est destiné à remplacer Lord Clarendon. Et crois-tu que Shrewsbury ne jouisse d'aucune fortune, d'aucune influence, d'aucun crédit ? Vends-moi ce secret qui tôt ou tard finira par se découvrir. 1000 livres sterling contre un mot. Tu as mon honneur pour caution. De tout autre, ce sera la plus mauvaise garantie. De vous, dit Waller, après quelques secondes d'hésitation, pendant lesquelles sa prudence luttait contre sa cupidité, de vous j'accepte. Merci. Eh bien, vous l'avez deviné. C'est d'une femme que parlait le duc de Buckingham, son nom. Le vieux poète regarda devant et derrière lui, comme s'il eût craint d'être écouté, puis, se baissant l'oreille du gentilhomme, elle s'appelle la comtesse de Shrewsbury.